Ce qui différencie le musulman de l'associateur. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit aussi: Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah qui a prouvé son existence par ce qu'il a fait comme invention et qui est sans équivalent dans ses qualités et en lui-même. Il a créé la créature et aucune chose n'échappe à son savoir. Nous le remercions et le louons de nous avoir guidés vers l'islam et de nous avoir enlevé les ambiguïtés du dérapage et de l'égarement. Et je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah sans associé. Un témoignage de la part d'un mouahid, matin et soir. Je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, qui est venu à nous avec une religion de droiture, qui a étanché notre soif d'un doux breuvage. Prière et paix sur Mohammed, sa famille, ses compagnons, qui sont les meilleurs des familles et des compagnons. En outre, certains de mes amis, à qui je ne peux refuser la demande, m'ont demandé de rédiger une œuvre rassemblant les sujets et règles par lesquels le musulman se différencie de l'associateur. La première est que celui qui nous a créés, façonnés, ne nous a pas laissés errer. Cependant, il nous a envoyé un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec un livre de sa part. Quiconque obéit sera au paradis, et quiconque désobéit sera en enfer. La preuve est la parole d'Allah suivante. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Sourate 73, verset 15. La deuxième est qu'Allah n'a créé les créatures que pour qu'elles lui vouent un culte exclusif. La preuve de ceci sont ses paroles. « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate 51, verset 56. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Dieu, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Sourate 98, verset 5. La troisième est que lorsque l'association pénètre dans tes actes, ceux-ci deviennent vains et inacceptables, et que tout péché peut espérer le pardon, excepté l'association. Et les preuves regardant cela sont les paroles d'Allah. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Dieu, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Sourate 39, verset 65. Certes, Allah ne pardonne pas quand on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Sourate 4, verset 48. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Sourate 5, verset 72. La quatrième est que si tes œuvres sont correctes, mais dépourvues d'exclusivité, celles-ci ne sont pas agréées. Et de même, si tes œuvres sont exclusives, mais incorrectes, alors celles-ci ne sont pas agréées. Il faut que tes œuvres soient exclusives et correctes vis-à-vis de la sharia et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a dit sur les savants, gens du livre, ermites et récitateurs de leur livre. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Sourate 18, verset 103-104. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent. Sourate 88, verset 2 à 4. Et ces versets ne visent pas simplement les gens du livre, mais tous ceux qui fournissent des efforts dans la science, pratique ou lecture. Et ceci ne va pas de pair avec la sharia du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils font partie des plus grands perdants en œuvre, et Allah en a parlé dans son livre par le biais de versets sans équivoque. Et ce, même s'il est intelligent et clairvoyant, qu'il a un bon comportement et qu'il délaisse la vie d'ici-bas. Tout cela ne peut être une excuse, ni donner accès au bonheur, ni protéger du châtiment, aussi longtemps que le livre et la sunna ne seront pas suivis. Les personnes douées d'intelligence sont au même rang que celles douées de force physique ou de force volonté. Toutes les trois ne sont pas des qualités requises pour atteindre le bonheur ou échapper à la punition. Voir dans Majmou' al-Fatawa, Arzasa'il wal-Ajwiba.